un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Nous voulons conclure par la prière ensemble. Éternel mon Dieu, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es roi pour toujours, de siècle en siècle, tu restes Dieu. Toi, Seigneur, qui es rempli d'autorité, qui es le roi des rois, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, nous voulons proclamer tes louanges, ta renommée. Nous voulons t'adorer ce matin, venir devant toi, se prosterner et te donner l'adoration et la louange qui t'est due. Oui, Père éternel, pardonne nos péchés, pardonne notre manque d'amour envers notre prochain. Oui, bon Père, on veut te remercier pour ton amour envers nous, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour ton pardon. Sois béni, sois loué, éternel Dieu, et on veut te prier tous ensemble ce matin que tu remplisses nos propres cœurs de compassion et de miséricorde. Seigneur, aide-nous à aller vers notre prochain. Aide-nous à le reconnaître, à pas seulement penser que ce sont les gens avec qui c'est facile, les gens qui sont comme nous, mais qu'on ait à cœur d'aller vers tous, Seigneur, de démontrer de l'amour envers ceux qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs par ton esprit d'amour et de compassion et de miséricorde envers notre prochain. Qu'on puisse œuvrer pour toi, œuvrer à ton service, pour ta gloire. Seigneur, utilise-nous. Aide-nous à ouvrir la bouche et à proclamer ton évangile. Proclamer la bonne nouvelle, Seigneur, qui donne un sens à nos vies sur cette terre, dans cette société qui parfois nous semble tellement perdue, Seigneur. Oui, on te demande toutes ces choses. Dans le nom précieux de Jésus, aide-nous, Seigneur, à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, à chaque jour, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Amen.